Mes paroles te saoulent, c'est que les distillent. Les gens parlent derrière mon dos, mais que disent-ils? Tu veux du son, du flow, bref, que du style. Et puis le reste, t'as raison, ça devient futile. Bête de prod et un record presque propre. Technique et dans le pire des cas, je reste pro. Cousin, écoute ça et fume pas trop. T'as déjà bu toute la taille, t'arrêtes pas de dire gros. J'écris parce que mes potes ont toujours de bonnes idées. Que je kiffe à mort, alors je mets pas longtemps à me décider. Donc j'écris pour me lâcher, j'écris pour éviter de me fâcher. Ou alors je prends un petit cachet. J'écris le lundi, j'écris le mardi. Ouais, bon, j'écris tous les jours pardi. J'ai mis de côté mes plumes en sang exprès. Je pompe directement avec une seringue et je la connecte au port USB. Écrire m'amuse depuis que j'ai baisé les muses. Et que mon rap est ta mère comme de la suze. Vous pensez que j'abuse, y'a aucune ruse ici. Juste de la noirceur qui muse et aucune excuse. Écrire m'amuse depuis que j'ai baisé les muses. Et que mon rap est ta mère comme de la suze. Vous pensez que j'abuse, y'a aucune ruse ici. Juste de la noirceur qui muse et aucune excuse. J'écris toujours autant, depuis longtemps. Je sais pas vraiment pourquoi. Enfin une chose est sûre, c'est que j'écris pas pour toi. Des choses absurdes, des choses immondes. Des trucs de ouf à te retourner le cerveau. Ou les morts dans les tombes. J'écris sur PC parce que je trouve jamais de feuilles. Peut-être que j'en ai marre de ressentir les forêts en deuil. Toujours une arme à l'œil de tristesse ou de rire. Dire que j'écris sur vos conneries qui en plaisent, qui empirent. Des 8 rimes, des 16 faces, 24 dans ce couplet. Plusieurs centaines posées sur des thèmes vastes et variés. Du rap pâté concurrençant la partie avariée. Drôle de se battre à coups de texte chargé dans le varié. Écrire m'amuse, depuis que j'ai baisé les muses. Et que mon rap est ta mère comme de la suze. Vous pensez que j'abuse, y'a aucune ruse ici. Juste de la noirceur qui muse et aucune excuse. Écrire m'amuse, depuis que j'ai baisé les muses. Et que mon rap est ta mère comme de la suze. Vous pensez que j'abuse, y'a aucune ruse ici. Juste de la noirceur qui muse et aucune excuse.